On va parler, alors c'est que la semaine passée, on a parlé avec un joueur de Cincinnati et de la NCAA. Cette semaine, ben, on va faire le tour maintenant du côté. On va parler avec Mathieu Bergeron qui évolue avec Syracuse. C'est un gars de Victoriaville. Et cette année, ben, il joue sur la ligne à l'attaque. Il est partant. Salut Mathieu. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Mathieu, d'abord. Félicitations. Avant de te parler des Orangemen de Syracuse, je veux te parler de ton passage au Québec. Est-ce que de football, à quel endroit tu as joué ton football au Québec? Moi, j'ai joué mon football à Victoriaville OK. depuis ma sixième année du primaire, l'été de Les ma sixième Vulcains, année c'est du ça? primaire. Non, c'est les Vicasses, la OK. polyvalente, le croisé. OK. Puis c'est ça, j'ai commencé au primaire, ça s'appelait football jeunesse. Et après la polyvalente, quand j'ai gradué du secondaire, j'étais joué au cégep de Thetford. OK. Et c'est par la suite, ben, c'est qu'est-ce qui t'a amené ton programme jusqu'à Syracuse? Parce que c'était loin, c'est quand même très très bon là, à l'université de Syracuse, qui est quand même pas une mauvaise université, là, loin de là. Comment je me sens dire, en fond, c'est grâce à Thetford, en fond, ils nous ont emmenés par un camp. OK. Puis c'est ça, je me suis démarqué à ce camp-là. Puis il y a plusieurs écoles comme ils me voulaient. Donc c'est ça, après quelques conversations et des attentes, j'ai décidé de venir jouer sur Syracuse à cause de la proximité, tout ça, c'était Ah, bon pour moi, c'est ma quand même famille. 3 heures de route, là, c'est pas loin, C'est de quai de ça, c'est Montréal, pas là. loin. Fait que. Et dis-moi, y avait-tu d'autres universités qui étaient vraiment intéressées à tes services? Ouais, il y avait Buffalo, Rutgers, puis j'étais en conversation avec d'autres équipes qui n'avaient pas encore offert, mais j'ai commuté, je me suis engagé avec Syracuse rapidement, fait que j'ai pas, comme les conversations avec les autres équipes sont pas, OK. Moi, qui ont pas été plus loin, en l'Orange fait. Man, c'est pas une équipe que je suis beaucoup parce que, tu sais, c'est pas une. Je me suis fait l'NCAA. C'est pas une équipe vraiment du Power 5, mais quand même, là, c'est quand même. Moi, je me rappelle de Donovan McNabb qui jouait avec Syracuse, donc ça remonte à loin quand même. Mais vous êtes quand même dans le ACC, donc c'est une grosse conférence. Tu regroupes des. Il y a quand même plusieurs bonnes équipes là. Tu joues contre Clemson, donc et Trevor Lawrence, tu joues contre Pittsburgh, tu joues contre North Carolina. C'est quand même très très intéressant là. Et ça, tu peux te faire voir plus par les recruteurs aussi, là. Ouais, c'est sûr que je joue contre une très bonne compétition à chaque année. Fait que c'est sûr, c'est intéressant pour moi, puis ça me permet OK. de compétitionner contre les meilleurs gars chaque année. Vous avez une équipe, une fiche de une victoire, 7 défaites cette année. Qu'est-ce qui va pas avec les Orangemen cette année? C'est sûr qu'avec le COVID, on a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Il y a des joueurs qui ont pas on a deux joueurs, deux porteurs de ballon partants qui n'ont pas joué la saison avec nous à cause des raisons de santé, des dangers du COVID. Notre carrière partant s'est blessé, notre safety partant s'est blessé, notre cornerback partant il s'est retiré de la saison pour se préparer pour le draft. Donc, puis on a eu d'autres blessures qui sont pas majeures, mais qui font mal parce que à cause de ça, on a moins de gars qui peuvent prendre des rotations, tout ça. Puis c'est sûr que le COVID, on n'a pas pu pratiquer autant qu'on voulait. On est arrivé un peu au milieu de l'été, c'est ça, fait que la préparation n'est pas la même. Mais on continue à travailler jusqu'à la fin de la saison, c'est le seul moyen. Est-ce que ta saison à toi personnellement, comment tu la trouves? Moi, je trouve que je m'améliore de match en match, puis c'est ça que OK. je recherche. Comme je te dis, ça c'est cette année, c'est plus une année parce qu'on la NCAA nous a donné une autre année d'éligibilité. Fait que moi je vois cette saison-là plus une saison pour apprendre tout ça. Fait que c'est sûr, c'est la première saison que j'ai joué du premier match au dernier. L'année passée, je suis rentré au milieu de la saison un peu. Fait que c'est pour ça là, l'important, je m'améliore, puis je vois que depuis les derniers matchs, j'ai bien joué. Fait T'es pas seul, les Québécois. Je pense qu'il y en a trois, les Québécois, hein, qui sont avec les Orangemen. Hein? Quatre, en fait, Quatre, en si je fait. me C'est bon, ça. OK. Ouais. 4, sans compter moi, fait qu'on est 5 en tout. Les autres, vois-tu pas mal d'action, les autres? Ben oui, Jeffrey Quentin, lui, c'est un linebacker partant. Benjamin Abras, il est dans la rotation avec les DB. Puis Danny Alford, il est dans la rotation avec les receveurs. Il a touché du terrain. Patrick Davis, il était en rotation avec la ligne offensive aussi. Donc, c'est tout le monde touche du terrain. Il n'y a personne qui est sur le banc, là, fait que ça montre que Il y a une c'est belle filière bon. québécoise. Ouais. OK. Est-ce que l'université du football universitaire canadien, ça avait été une option pour toi, le Rouge et Or, les Carabins, même l'Université de Sherbrooke? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé ou c'était toi, dès le départ, c'était la NCAA? Non, c'est sûr qu'en grandissant, moi, c'était mon rêve, c'était juste pour le Rouge et Or. OK. Puis ça a été ça. J'ai toujours vu mon avenir au football universitaire, pas nécessairement pour le Rouge et Or, mais c'était vraiment une option qui m'intéressait. Mais après ma première année de cégep, puis les conversations que j'ai eues avec les universités américaines, c'est là que mon idée a changé, puis je voulais venir en bas de la frontière. OK. Si on parlait maintenant de toi, tu te vois où? Est-ce que la SCF, ben c'est sûr que tout Québécois rêve à la Ligue nationale de football, tout joueur de football, mais est-ce que c'est plus la LCF que toi tu vises de façon réaliste, là, ou vraiment, là, voilà. Moi, je vise le sport professionnel. OK. Fait que peu importe la ligue, peu importe la ligue, le nom de la ligue, moi, si je suis payé pour faire ce que j'aime, je vais le faire. OK. Donc, Syracuse, évidemment, c'est une belle possibilité. Tu as plein de recruteurs qui voient les Orangemen. Ben, Mathieu, très intéressant. M'as-tu souhaité des joyeuses fêtes? En fin de semaine, je pense que c'est congé pour les Orangemen, c'est ça? En fin de semaine, on joue contre NC State. OK. Ouais. Comment ça se passe en terminant la vie avec COVID, comme pour un athlète professionnel qui évolue pour les Orangemen? C'est sûr que il y a beaucoup de protocoles à Ouais. respecter. On est testé souvent, on a des mesures de distanciation sociale pas mal partout quand on voyage, même quand on joue. C'est sûr que c'est une année différente, mais on espère que les choses vont retourner à la normale un petit peu. Ben Mathieu Bergeron, gros gros merci, au plaisir de se parler un autre tantôt. Voilà, Yes, donc merci il à évolue toi. avec les Orangemen de Syracuse, Mathieu Bergeron.